Chers auditrices et auditeurs de la radio Isanganiro, merci de rester à l'écoute et bienvenue à cette édition présentée à langue française. Donc voici d'abord les titres. Le taux d'adhésion au sein des mutuelles de la santé tourne autour de 2%. La plateforme des acteurs des mutuelles de la santé plaide pour l'obligation de l'assurance maladie pour relever ce taux. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD compte accorder près de 300 millions de dollars américains au gouvernement burundais pour la période de 4 ans à partir de cette année 2024, promesse tenue par le représentant résident du PNUD au Burundi après être reçu en audience ce mercredi par le Premier ministre burundais. Et dans la rubrique environnement, le bornage de la réserve naturelle de la Kibira est prévu pour ce mois de juillet comme annoncé par le directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement. Vous aurez plus de détails dans ce journal et la présentation, vous êtes avec Ornella Mucho. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Près de 300 millions de dollars américains à l'aide que le programme des Nations Unies pour le développement PNUD compte accorder au gouvernement du Burundi durant 4 ans à partir de cette année. Cela a été dit par le représentant résident du PNUD au Burundi après être reçu en audience par le Premier ministre. Il fait savoir que ce budget sera dispensé dans différents secteurs, notamment l'hydraulique. Suivez-le. Ce programme, il est en exécution autour de 3 piliers importants qui tous sont alignés au plan national de développement du Burundi, mais également à la vision Burundi pays émergent en 2040, pays développé en 2060. Donc nous soutenons 3 piliers à travers le programme qui sont interreliés, qui parlent de la question de la gouvernance au service de la croissance inclusive et durable. Nous parlons également de la diversification de l'économie et la croissance économique. Nous parlons du changement climatique, la gestion de ressources naturelles. Et dans la mise en œuvre de ce programme, il a été développé 3 grands portefeuilles. Le premier portefeuille porte sur l'efficacité institutionnelle, et le deuxième sur la justice et l'état de droit, et le troisième sur l'autonomisation des jeunes et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et enfin, il y a un autre volet qui est tout à fait pris à part. C'est toute l'intervention que nous apportons au niveau de ce que nous appelons le portefeuille nature, climat et énergie, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de l'environnement, de la gestion des catastrophes et du changement climatique. L'ensemble des plans de travail ont été signés et les ministères et autres acteurs qui interviennent dans la mise en œuvre sont en train de réaliser. Cela veut dire que nous avons tenu il y a quelques jours une revue à mi-parcours où nous avons constaté les pas qui ont été menés dans le cadre de la mise en œuvre. Le Premier ministre burundais a reçu également en audience la représentante résidente de l'OIM au Burundi, celle de l'UNICEF, ainsi que l'ambassadrice des Nations Unies au Burundi. Toutes ont affirmé qu'elles vont continuer à appuyer le Burundi dans différents projets du gouvernement. Page santé à présent, le caractère non obligatoire de l'assurance maladie au Burundi et la capacité financière des ménages figurent parmi les grands défis qui handicapent l'amélioration du taux d'adhésion au sein des mutuelles de la santé. Déclaration du secrétaire exécutif au sein de la plateforme des acteurs des mutuelles de la santé, PAMSAB, au moment où ce taux tourne autour de 2%. L'espérance Kaneza plaide pour l'obligation de l'assurance maladie pour relever ce taux. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de ménages qui adhèrent aux mutuelles de santé, malgré que le taux de pénétration reste toujours faible. Mais il y a, je dirais, des explications, il y a des défis que l'on rencontre sur terrain qui font que, justement, les ménages adhérents restent toujours faibles. Je peux citer comme grand défi, ça c'est vraiment au niveau politique. Le fait qu'au Burundi, il n'y a pas une obligation à l'assurance maladie, ça c'est déjà un grand défi. Parce que la plupart des pays qui ont pu avancer avec l'assurance maladie, c'est qu'elle est obligatoire. Je donne l'exemple au Burundi. Nous avons la mutuelle de la fonction publique. C'est une mutuelle qui aide ou bien qui appuie les fonctionnaires de l'État à accéder aux soins de santé et c'est obligatoire. Dans d'autres secteurs, autres que le secteur public, il n'y a pas d'obligation d'adhérer à une assurance maladie. Et je pense que c'est vraiment le gouvernement qui devrait un peu booster en mettant en place une loi qui oblige à chaque personne ou bien à chaque ménage d'avoir une assurance maladie. Il y a également la capacité financière contributive de la population qui ne cesse de diminuer. Et donc, face à cette situation, il est difficile qu'un ménage puisse investir dans une assurance. La plupart des fois, il y a, c'est vrai, des mutuelles de santé qui sont des assurances sociales, comme on le dit, donc sans but lucratif. Mais il y a parallèlement des assurances qui sont lucratives. Donc les deux régimes existent, mais il n'y a pas de texte qui régit, donc qui limite en disant, par exemple, les assurances sociales, votre groupe cible, c'est celui-là. Est-ce que faut-il continuer avec autant de mécanismes, avec des groupes cibles qui sont superposés, ou bien faut-il avancer à mettre en place des lois ou bien des textes qui puissent un peu délimiter les groupes cibles de chaque mécanisme. Et on exhorte également le gouvernement à ce qu'on puisse également bâtir la CSU en se basant sur les mécanismes qui existent déjà et qui sont fonctionnels. Toujours aux pages santé, l'ordre des pharmaciens du Burundi salue la mesure du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida portant suspension des nouvelles demandes d'accréditation des structures sanitaires, y compris les pharmacies. Cela étant, Serge Halindogo, président de cet ordre, indique que ce n'est pas pour la première fois que cette mesure soit prise, mais qui n'a pas été prise en compte. Mais il garde espoir que la nouvelle ministre pourra réussir à atteindre ses objectifs. En ce qui concerne le domaine pharmaceutique, moi j'ai bien accueilli la mesure, nous soutenons la mesure dans l'ordre des pharmaciens. Nous avons toujours demandé à ce que l'on comprenne que le médicament n'est pas une marchandise comme les autres. Donc, conformément à la loi, que nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'est pas pharmacien. La loi est claire là-dessus. Et donc, la mesure du ministre, nous la soutenons totalement. Seulement, voilà. Dans cette mesure, on parle de nouvelles ouvertures. Mais ici, je dirais que même parmi les pharmacies déjà ouvertes, des milliers de pharmacies fonctionnent sans pharmacien. Parce que nous voyons qu'au Burundi, il y a plus de 2000 pharmacies, alors qu'au Burundi, on n'a pas plus de 250 pharmaciens sur le territoire national. On tire la conclusion que beaucoup de pharmacies fonctionnent sans pharmacien, et cela met en danger la santé de la population. Parce que ces gens-là, ils font du commerce seulement. Alors que dans une pharmacie, un pharmacien est là pour donner des conseils aux malades, des conseils sur la prise de son médicament, des conseils sur les interdits à observer quand on a pris son médicament, des conseils sur le respect de la posologie. Il peut aussi, le cas échéant, contacter le prescripteur pour changer tel ou tel médicament s'il y a une erreur. Mais cela ne se fait pas dans ces boutiques de pharmacie. Effectivement, ce n'est pas la première fois. Tous les ministres ont pris de telles mesures de suspension d'ouverture, mais nous n'avons pas observé de changement significatif. Mais aujourd'hui, nous pensons que, moi, quand j'ai rencontré le ministre, il m'a semblé qu'elle comprend, elle est préoccupée par la santé de la population. Nous espérons maintenant que cette fois-ci, c'est la bonne. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page environnement à présent, il est prévu pour ce mois de juillet le bornage de la réserve naturelle de la Kibira. Les bornes seront plantées suivant une nouvelle technologie satellitaire. À propos de Berkima Satungumana, directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, il indique que cette activité vise à protéger cette terre contre les destructeurs qui dépassent ses limites pour exploiter et exercer des activités agricoles. Suivi, il est traduit en français par Patrick Saint-Guillaume. Toutes les réserves naturelles sont régies par le décret présidentiel. Vous savez que le décret présidentiel est au-dessus de toute autre règle et loi. C'est pourquoi alors, nous ne ménageons aucun effort dans la protection de ces aires protégées. Nous commençons par la Kibira, parce que nous avons constaté qu'il y a ceux qui veulent dépasser les limites de la Kibira. D'autres d'ailleurs se permettent d'y exercer des travaux agricoles. Ainsi, depuis ce mois de juillet, nous avons commencé le bornage. La première borne sera plantée le 31 juillet. aventuriers si rien ne change. C'est pour montrer aux destructeurs de la Kibira les limites de ces terres protégées. Et ce qui suivra, c'est de réaménager les espaces de la Kibira qui ont été exploités. Là où on a coupé des arbres, l'on y planta d'autres arbres, surtout des arbres naturels. Nous sommes en train de bien préparer cette activité de les protéger, à ce que l'on ne perdra encore aucun autre centimètre. Nous sommes appelés à respecter ce décret présidentiel parce que chaque aire protégée a une superficie connue dans le décret présidentiel. Nous veillons au respect de ce décret. Et puis, l'on prendra ces bornes. Des bornes qui remplissent des normes. Le cadastre national interviendra aussi. Même après 100 ans, on marquera bien des limites qui tend à ce que, même après un siècle, même en cas d'enlèvement d'une borne, ça sera connecté à une satellite. Comme ça, les limites de la Kibira resteront connues. L'appel lancé à la population, c'est d'abord de respecter la loi. Vous savez que la prise d'eau de Gwegura se trouve près d'ici. Il n'y a même pas un mois. La prise d'eau était pleine d'eau. Mais voilà, avec ce mois de juillet seulement, l'eau a diminué. C'est pourquoi alors nous devons protéger la Kibira car la vie humaine en dépend énormément. Pour ceux qui le savent, les provinces de Bubanza et Chibitoke, beaucoup de sources d'eau que les eaux, ce sont des sources d'eau, ont des sources dans la Kibira. C'est pourquoi nous devons protéger la Kibira. Vous savez que dans les provinces de Kayanza, Muramvya, Chibitoke et Bubanza, la période des pluviales ne dure pas comme dans d'autres provinces. La Kibira a l'origine un rôle très important pour réguler la période des pluies. Vous avez vu que c'est la maturité des blés. Mais dans d'autres provinces, on n'est pas en train de s'aimer. C'est pourquoi la population doit protéger la Kibira. La protection de la Kibira est une tâche qui revient à tout un chacun. Page justice à présent, certains parmi les habitants de la province Kirundo, dans leur jugement, ont tardé à être mis en exécution, demandent d'être rétablis dans leurs droits. Ils disent que les terrains qu'ils réclament contribuent à subvenir aux besoins de leur famille. Cela ressort de la descente de l'équipe du ministère de la Justice. C'était ce mardi dans la commune et province Kirundo. Reportage d'Agnès Naumagad. Certains parmi la population qui ont présenté leurs préoccupations à l'équipe du ministère, parmi lesquels figurent aussi les problèmes liés au retard de la mise en exécution du jugement prononcé. Cela a fait que les plaignants vivent dans de mauvaises conditions car les terrains qu'ils réclament contribuaient à subvenir aux besoins de leur famille. Comme ils continuent à le déclarer, les juges les ont empêchés de cultiver dans ces terrains avant que le jugement ne soit rendu. Le secrétaire permanent au ministère de la Justice indique qu'il y a des cas où le jugement tarde d'être mises en exécution parce qu'ils ne sont pas correctement prononcés, ce qui pousse certains dans l'ambiguïté. Il a demandé au personnel de la justice de montrer clairement le jugement rendu, car lorsque les jugements ne sont pas bien tranchés, ils multiplient les procès au cours d'appel et plongent certains dans des difficultés et poussent la population à perdre du temps dans les tribunaux à poursuivre leurs procès, ce qui les empêche de vaquer aux activités de développement. Gervais Hadjayandi a ajouté aussi que les magistrats devraient expliquer clairement les procédures à la population, car il s'est manifesté dans les plaintes présentées au secrétaire permanent des cas de jugement déjà prononcés il y a plus d'une année où les plaignants ignorent encore la période d'interjecter l'appel. Depuis Kirundo, Agnès Naumagadze pour la radio Isanganiro. Rendons-nous à présent à Makamba. Certaines femmes exerçant le commerce de la farine de manioc au marché du chef-lieu de la commune Kayogoro en province Makamba disent que grâce à ce métier, elles arrivent à subvenir aux besoins familiaux. Elles lancent un appel à d'autres femmes qui ont toujours cette mentalité de dépendre sur les autres, de se créer plutôt un emploi afin de contribuer dans leur famille et soutenir leur conjoint. L'administrateur de la commune Kayogoro salue le pas déjà franchi par ces femmes et demande surtout à tout un chacun de vivre aux dépens de soi-même. Élisée Kwizera. Dans ce marché du chef-lieu de la commune Kayogoro dans la province de Makamba, on trouve les femmes vendeuses de la farine de manioc avec des bassins remplis de ce produit. Parmi ces femmes, certaines indiquent qu'elles vivent de ce commerce et ajoutent qu'elles se sont déjà achetées des parcelles. Une de celles-ci précise qu'elle a acheté une parcelle d'une valeur d'1 200 000 de francs burundais et l'autre dit avoir construit une maison de 16 étoiles grâce à ce commerce. Cependant, elles font savoir qu'au niveau de la communauté, il y a encore des femmes dépendantes de leur mari qui critiquent ce commerce, disant qu'elles ne peuvent pas se maquiller des cendres et attendent que leur mari rentre pour qu'elles puissent manger. Et des fois sans succès, ces vendeuses lancent un appel à ces femmes vivant surtout aux frais de leur mari de s'associer à autrui pour qu'elles puissent contribuer dans le développement de leur famille. L'administrateur de la commune Kayogoro, Nyabenda Pierre Simon, Simon se réjouit du pas déjà franchi par les femmes et demande à tout un chacun, y compris les hommes, de travailler afin que toutes les personnes vivent aux dépens de soi-même. Depuis Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À la présentation, vous étiez avec Ornella Mouchou.